بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc notre cours aujourd'hui, c'est le cours 108 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Furqan, Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, Hafidhahullahu ta'ala. Et on est arrivé dans la section où le cheikh, maintenant, il va expliquer la différence entre les différents termes qui sont employés dans le Coran et dans la Sunna à propos de qu'est-ce qui est kauni et de qu'est-ce qui est shar'i. Et on a déjà commencé avec le terme al-irada, c'est-à-dire la volonté. Et on a expliqué que dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence à la volonté qui est relié à la création et à la prédestination, et il fait référence également à dans des versets, et parfois même dans le même verset, aux deux types de volonté, hein? Kauniya et Shar'iya. Kauniya, on a dit, c'est ce qui est relié à la création et à la prédestination, tandis que qu'est-ce qui est Shar'i, c'est qu'est-ce qui est religieux, la volonté religieuse ou la volonté qui est connue par la révélation par rapport à ce que Allah aime. On a donc expliqué ça. Maintenant, on passe au verset suivant, c'est-à-dire les autres versets que le cheikh a mentionnés à propos des différentes catégories dans la volonté. Il dit « وَقَالَ تَعَلَى وَإِذَا أَرَضَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ » Donc, ici, on veut un truc pour distinguer entre la volonté qui est shar'i et la volonté qui est la volonté ou bien l'irada qui est shar'iya et la volonté ou l'irada qui est kauniya, si on veut la distinction entre les deux. Eh bien, c'est facile en réalité, on a juste à se poser la question, est-ce que c'est quelque chose que Allah aime? Et si on est capable de répondre par oui, alors dans ce cas-là, ça veut dire que c'est la volonté qui est shar'iya. Si on n'est pas capable de répondre par oui à cette question-là, alors ça veut dire que c'est la volonté qui est kauniya. D'accord? Donc ici, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 11, dans Surat al-Ra'd, et on va lire ensemble la traduction de ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, donc on a dit le verset 11, dans Surat al-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et lorsque Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Hein? Nul ne peut le repousser. Et ils n'ont en dehors d'Allah aucun protecteur. » D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il aime le mal pour les hommes? Non, il n'aime pas le mal pour les hommes. Mais est-ce qu'il veut le mal pour les hommes dans sa création, dans la prédestination, dans une sagesse et dans un but qui est bon? Oui. Hein? Et donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'ici, il s'agit de la volonté qui est kauniya et non shara'iya. Parce que Allah, il veut le bien pour les hommes. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Hein? Et ainsi de suite. Donc, ici, le Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce verset-là. Il dit وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ هَذِهِ الْإِرَادَةُ الْكَوْنِيَّةِ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ فالله يريد السوء بما يستحقه من الظلمة والطغاة والمشركين والكفار لأن الله أراد بهم سوءا حيث لم يقبلوا هدى الله سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh il explique et il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut un mal ou veut infliger un mal à un peuple, eh bien il n'y a personne qui peut le repousser. Il n'y a personne qui peut repousser ce mal. On parle de quelle volonté ici? On a dit que c'était al-iradatul kawniya. La volonté, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la volonté qui est reliée à la création et la prédestination. Et il dit à la suite du verset, wa ma lahum min Allahi min wal, c'est-à-dire, et ils n'auront en dehors d'Allah aucun protecteur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le mal pour ceux qui le méritent. c'est-à-dire les injustes, les transgresseurs, les idolâtres, les mushrikines et les kuffars, les mécréants. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut du mal pour eux du fait qu'ils n'ont pas accepté la guidance qui vient d'Allah. Hein? Et il mentionne maintenant dans l'autre catégorie qui est la catégorie de la volonté qui est al-iradatu al-shar'iyya. Il dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset-là, et quiconque d'entre vous, c'est le verset 185 dans Surat al-Baqarah. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, alors qu'ils reprennent en d'autres jours, c'est-à-dire qu'ils reprennent le ramadan en d'autres jours, c'est-à-dire les jours qu'il a manqués pendant son voyage ou pendant sa maladie. Et il dit ensuite, Allah veut pour vous la facilité, et Allah ne veut pas pour vous la difficulté. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, Al-iradatu thaniya al-shar'iyya, al-ayatu allati dhakaraha hadhihi hiya al-iradatu al-kawniya, wal-ayatu hadhihi في الإرادة الشرعية نعم ويعني وهذه إرادة شرعية الله رخص سبحانه وتعالى للمريض أن يفطر في رمضان ورخص للمسافر أن يفطر في رمضان ويقضيان في أيام أخر ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر يعني هذه إرادة شرعية ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة يعني هذا مثال للإرادة الشرعية التي يرضاها الله ويحبها سبحانه وتعالى. Donc ici il s'agit de la volonté dans la religion, la volonté religieuse, la volonté qui est par rapport à sa révélation et sa législation. On connaît cette volonté-là par rapport à ce qu'il nous a révélé. Et on reconnaît que c'est la volonté religieuse ou la volonté reliée à la révélation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala aime cette chose-là. D'accord? Et ici, par exemple, il mentionne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité. Il veut pour vous la facilité. Il aime aussi la facilité pour les croyants. Il aime la facilité pour les gens. Et il ne veut pas la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, c'est-à-dire qu'il n'aime pas la difficulté pour vous. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que c'est la volonté qui est religieuse et qui est basée sur la révélation et non pas la volonté qui est kawniya. Un autre exemple que le cheikh a mentionné parmi les versets que Ibn Taymiyyah a cités, il dit وقال في الآية في آية الطهارة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. Donc ici c'est dans le verset 6 dans sourate Al-Ma'ida, qui est le verset de la pureté et de la purification. Et donc dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala il enseigne en réalité les règles de la purification. Et ici, dans ce verset en particulier, que le cheikh a cité, il a mentionné seulement la fin du verset. Et dans cette partie-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah ne veut pas mettre pour vous aucune gêne dans la religion, mais il veut vous purifier et compléter sa grâce sur vous, hein, et pour que vous soyez reconnaissants. Donc ça, on peut se poser la question, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'il n'y ait pas de gêne pour nous dans la religion? Est-ce qu'il aime qu'on se purifie et qu'on soit purifié? Est-ce qu'il aime mettre sa grâce sur nous et compléter sur nous sa grâce? Bien sûr qu'il aime ces choses-là. Hein? Et donc, par conséquent, ça fait partie de la volonté qui est religieuse. Et ici, le cheikh, il cite le verset, Cheikh Al-Fawzan, il dit « وَقَالَ فِي آيَةِ الطَّهَارَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فأمر بالطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة. والطهارة بماذا تكون؟ تكون بالماء، فإذا لم يجد الماء فإنه يعدل إلى التيمم بالتراب، يضرب بيديه الأرض ثم يعني يمسح بهما وجهه وكفيه، والتراب طهور عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. ثم قال عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. وهذا مثال للإرادة الشرعية. Donc ici le Cheikh il mentionne ce verset là dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est le verset 6 dans sourate Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes et essuyez vos têtes, ou bien passez vos mains sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état d'impureté majeure, hein, qu'on appelle en arabe junub, donc Allah dit dans le verset: wa in kuntum junuban. Donc junub, c'est celui qui est impur parce qu'il a eu des rapports intimes, hein, avec son épouse, donc par conséquent il est junub. Et donc lui, il doit faire le rousl, il doit faire la grande purification, le grand wudu si on veut, ou qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-rousl. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si par contre vous étiez malade ou en voyage, ou que vous êtes sorti d'aller faire vos besoins, hein, vous êtes allé faire vos besoins, ou bien que vous avez eu des contacts avec des femmes, c'est-à-dire vous avez eu des rapports intimes avec vos épouses, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors dans ce cas-là, vous faites le tayammum. Vous faites le tayammum en utilisant tout ce qui est au-dessus de la terre, hein, en essuyant vos mains ou en frottant vos mains sur vos visages et vos mains par la suite. فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ. Donc vous essuyez avec vos mains votre visage et vos mains. Et le Cheikh, il explique la signification de ce verset-là. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne ici dans le verset de se purifier de l'impureté mineure et de l'impureté majeure. Et l'impureté majeure ici, il s'agit de al-janaba, hein, lorsqu'un homme a eu des rapports avec sa femme. Eh bien, il va faire le rousl. Hein. S'il a une impureté mineure, il va faire le wudu ordinaire. Et il dit le Cheikh donc que la pureté, hein, elle est avec quoi? Elle est avec de l'eau. C'est-à-dire, tu vas te purifier avec quoi? Avec de l'eau. Par contre, si tu ne trouves pas d'eau, qu'est-ce que tu fais? Hein, supposons que tu es quelque part où il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il dit le Cheikh, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas utiliser le tayammum. Tu vas faire le tayammum par la terre, avec la terre. Et donc, qu'est-ce que c'est le tayammum? C'est que tu vas frapper tes deux mains sur le sol, hein, ou sur une surface sur laquelle il y a de la poussière, ou du sable, ou de la terre, ou de... Hein, n'importe quoi qui est au-dessus de la surface de la terre, et tu frappes tes mains ensemble sur le sol, et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu essuies ton visage et tes mains. Et ça veut dire que tu es maintenant pur. C'est comme si tu avais fait ton houdou, parce que tu n'as pas trouvé d'eau. Alors, à ce moment-là, tu peux faire ta prière dans cette façon-là, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il dit soit parce qu'il n'y avait pas d'eau, ou soit qu'il y avait de l'eau, mais tu n'étais pas capable d'utiliser l'eau. Parce que ça peut arriver des fois dans certaines situations où quelqu'un, il a de l'eau, mais par exemple, c'est seulement de l'eau qu'il a suffisamment pour boire. S'il utilise cette eau pour faire son wudu, il va mourir de soif. Dans ce cas-là, il va garder son eau, puis il va faire tayammum. Ou bien, qu'est-ce qu'il peut faire aussi dans le cas où, par exemple, quelqu'un il est très malade, il a une blessure ou quelque chose qui l'empêche de toucher à l'eau, et que s'il met de l'eau sur lui, il risque d'être encore plus malade, ou il risque même peut-être de mourir dans ce cas-là. Alors, dans ce cas-là, il va faire le tayammum. Ou bien si quelqu'un, des fois, il y a des gens, ils ont des maladies de peau. Hein? Leur peau, elle est très, très irritée ou très... très secs, hein, et ils ont des blessures peut-être sur leur corps, et à ce moment-là, l'utilisation de l'eau, ça leur fait du tort. Alors dans ce cas-là, ils peuvent faire le tayammum, hein, s'ils ne peuvent pas utiliser l'eau. Donc ce n'est pas seulement lorsqu'il n'y a pas d'eau. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, Allah ne veut pas pour vous de la gêne, mais il veut pour vous vous purifier et compléter sur vous sa grâce, et pour que vous soyez reconnaissants. Donc il s'agit ici, comme le cheikh il le mentionne, de la volonté dans la volonté religieuse, la volonté que Allah nous a fait connaître par sa révélation. Ensuite, il dit le cheikh, en citant d'autres exemples, il dit: وَلَمَّا ذَكَرَ مَا أَحَلَّهُ وَمَا حَرَّمَهُ مِنَ النِّكَاحِ قَالَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Donc ici encore une fois le cheikh il mentionne, Ibn Taymiyyah il mentionne d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle de la volonté, il mentionne sa volonté dans la révélation, dans la religion. Sa volonté religieuse, et il mentionne ici les versets 26 et 27 dans Sourate An-Nisa. 26 et 27 dans Sourate An-Nisa, et on va lire ensemble ces versets. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets-là, comme le cheikh il mentionne, ce que Allah a mentionné comme étant halal et comme étant haram par rapport au mariage. Et puis ensuite, il dit dans les versets 26 et 27, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, hein, veut vous éclairer et vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi il veut accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Donc ici il clarifie, hein, ce qu'il veut. Et dans l'autre verset, le verset 27, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur, comme ils le font. Hein? Donc, ils veulent que vous penchiez, hein, d'un penchant, hein, immense vers le péché. Et le verset 28, Allah veut alléger les obligations pour vous, car l'homme a été créé faible. Donc, on voit ici que Allah mentionne dans tous ces versets, il mentionne ici la volonté, hein, sa volonté, et ici c'est la volonté religieuse, parce que toutes les choses que Allah a mentionnées ici comme étant parmi les choses qu'il veut, c'est des choses qu'il aime, hein. Il veut vous clarifier la voie des gens avant vous, hein. Donc ça c'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qu'il aime. Il veut accepter votre repentir. Ça, c'est quelque chose que Allah aime aussi. Et il dit également, il veut alléger les choses pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala aime alléger les obligations pour nous aussi. Donc ici, il s'agit de al-iradatu shar'iyya. Et le cheikh al-Fawzan, il commente sur ce verset-là, il dit: وَلَمَّا ذَكَرَ al-muharramat مِنَ النِّسَاءِ Hein? المحرمات من النساء المحرمات في النكاح من النساء من ذوات النسب وذوات يعني السبب وذوات الرضاع حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء يعني المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. ثم قال عز وجل بعد هذه الآيات يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإرادة في هذه الآيات كلها إرادة شرعية دينية. Donc ici dans tous ces versets là, il s'agit de يعني la volonté dans la révélation, la religion, hein, la volonté religieuse. Et Cheikh Al-Fawzan il explique le verset que le Cheikh a mentionné, qui est le verset 23 auparavant, dans lequel il mentionne les femmes qui nous sont interdites au mariage à cause des liens de parenté ou à cause des liens qui sont reliés à des causes ou à cause de l'allaitement. Et il cite ces cas-là dans le verset 23 dans Sourate An-Nisa, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: hein, vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, filles d'un frère ou filles yani d'une sœur. Ça veut dire vos nièces, hein, que ce soit de vos frères ou de vos sœurs. Mères qui vous ont allaitées, c'est-à-dire vos mères de lait ou sœurs de lait, hein, des filles qui ont allaité avec vous. Mères de vos femmes, hein. Mère de vos femmes, c'est-à-dire les mamans de vos épouses, hein, et belles-filles sous votre tutelle, et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Hein. Donc celles-là, elles sont pas licites non plus. Si quelqu'un, par exemple, il épouse une femme et que cette femme, elle a une fille, t'as pas le droit d'épouser sa fille. Ou bien, par exemple, supposons que... Donc c'est ça. Ça c'est un exemple que les ulama ils mentionnent ici par rapport à ça. Et il dit, si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nées de vos reins, hein, donc les épouses de vos femmes. Si par exemple ton fils il a une femme, eh bien cette femme là, hein, sa femme, t'as pas le droit de la marier. Même si par exemple ton fils il meurt, t'as pas le droit de la marier par la suite, parce que elle était mariée avec ton fils. Hein? De même que deux sœurs réunies. Hein? On n'a pas le droit de marier deux sœurs en même temps. Hein? Exception faite pour le passé, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Et la suite du verset, ça dit, et le verset 24, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Hein? C'est-à-dire des esclaves en toute propriété, même si elles étaient mariées avant leur captivité. Cependant, il y aura une période d'attente de 3 mois environ pour assurer que la femme n'est pas enceinte. Si elle l'est, le mariage aura lieu qu'après l'accouchement. Ça, c'est dans la note de bas de page. Prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant un mariage et non en débauché. Puis de même que vous jouissiez d'elles, donnez-leur leur mahar comme chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahar, car Allah est certes omniscient et sage. Donc, ça c'est, j'ai lu un peu plus que qu'est-ce que le cheikh avait mentionné de toute façon. Et ensuite, il mentionne les choses qu'il veut. Hein, et les choses ici qui sont mentionnées dans les versets 26, 27 et 28 font partie de la volonté d'Allah dans la religion. Ensuite, il donne d'autres exemples encore. Il dit « وَقَالَ لَمَّا ذَكَرَ مَا أَمَرَ بِهِ أَزْوَاجُ النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne lorsqu'il a parlé des choses qu'il a ordonnées aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il leur a interdit de faire. Il dit dans le verset 33 dans Sourate Al-Ahzab, Allah veut uniquement vous retirer toute impureté aux femmes de la maison, c'est-à-dire famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous purifier complètement. Hein? Vous purifier complètement. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ce verset-là, لما ذكر ما وعظ به النساء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عز وجل أنه أراد من ذلك أن يطهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهي إرادة شرعية قال سبحانه وتعالى في آيات الأحزاب يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والرجس هو النجاسة وأهل البيت أو أهل البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطهركم تطهيرا يعني واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا فالشاهد منه أن الله أراد من هذه الأوامر التي وجهها لنساء نبيه أمهات المؤمنين أنه يريد تطهير نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق السيئة والمخالفات الشرعية ويطهرهن من ذلك التطهير فدل على أن لزوم الحجاب ولزوم العفة والبيت والحياء وتجنب التبرج وتجنب المغازلات والكلام الذي يجر إلى الشر أن ذلك طهارة للقلوب وطهارة للأعراض وطهارة للبيوت وأما الملاحدة اليوم فيقولون لا هذا يعني كبت لحرية النساء وهضم لحقوقهن دعوا النساء يفعلن ما شئن لا حجر عليهن وهكذا يقولون قبحهم الله فهم لا يريدون الطهارة للأمة وإنما يريدون الرجس للأمة قبحهم الله وكفى الله المسلمين شرهم ونساء النبي هن القدوة فإذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أطهر نساء على وجه الأرض يعني ووجههن الله هذه التوجيهات فكيف بغيرهن من سائر النساء من باب أولى. نعم. Donc ici le cheikh il explique des choses très importantes par rapport à certaines injonctions qui ont été mentionnées de la part d'Allah pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici il mentionne justement les versets en question dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse dans sourate Al-Ahzab aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit dans les versets 32 et 33 on va lire ensemble ces versets donc 32 et 33 Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ô femmes du prophète vous n'êtes pas comparables à aucune autre femme si vous êtes pieuses ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite, ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, dans la jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, gens de la maison du prophète, et vous purifiez pleinement. Naam. Et gardez dans vos mémoires ceux qui, dans vos foyers, aient récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Donc ici, le cheikh, il explique par rapport à ces versets-là que Ar-Rijs, c'est l'impureté et la souillure. Et Allah, il dit dans ce verset qu'il veut purifier hein, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute souillure. Donc la raison pour laquelle il leur a mentionné toutes ces injonctions et ces règles, eh bien c'est justement pour les purifier. Et ça, c'est quelque chose qui est bon et qui est aimé d'Allah. Et donc il s'agit ici de la volonté qui est religieuse, encore une fois. Et le cheikh, il dit que qu'est-ce qu'on peut tirer de ces versets que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans les injonctions qu'il a mentionnées pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que ces ordres que Allah a mentionnés pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, elles s'appliquent également, bien entendu, aux femmes musulmanes en général, parce que c'est des règles pour les femmes en général, puisque les femmes, elles ont toutes l'ordre de chercher la chasteté et de yani, de se couvrir islamiquement, de se voiler correctement yani, et de ne pas s'exhiber. Hein. Donc c'est des règles qui sont générales pour toutes les femmes hein, et non seulement pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut les purifier dans ce verset de tous les mauvais comportements et de toutes les contradictions hein, vis-à-vis de la législation divine et les purifier d'une purification complète. Et ça, c'est la preuve que le hijab et son obligation dans la religion, hein, c'est dans le but justement d'établir chez la femme cette pudeur et cette chasteté hein, dans le comportement de la femme, cette pudeur et cette chasteté, donc le fait que la femme porte le hijab lorsqu'elle sort de sa maison et qu'elle se couvre correctement lorsqu'elle est à l'extérieur et lorsqu'elle est à l'intérieur, elle reste chez elle pour se purifier et pour se préserver également parce que à l'intérieur de sa maison, elle est, disons, à l'abri des regards, à l'abri de toutes les mauvaises choses qui pourraient l'atteindre. Et elle est en toute pudeur à l'intérieur de chez elle. Donc la maison fait partie du hijab aussi. La maison, c'est une partie du hijab, parce que le hijab, c'est tout ce qui empêche les hommes étrangers de voir la femme. Et donc, il y a le vêtement qu'elle porte lorsqu'elle sort à l'extérieur. Ça, c'est son hijab lorsqu'elle va dehors. Mais le meilleur hijab, c'est le hijab de la femme lorsqu'elle reste chez elle, dans sa maison, et qu'elle empêche les hommes de la voir parce qu'elle est coupée et protégée par les murs de chez elle pour éviter justement hein, d'attirer le regard et l'attention des hommes. Donc tout ça ici, ça fait partie des injonctions que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées pour les femmes musulmanes, en commençant par les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également le fait de s'écarter de l'exhibition, le fait de vouloir montrer et exhiber hein, les parures des femmes, que la femme elle cache ses parures, elle couvre ses parures à des hommes étrangers, hein, des hommes qui n'ont aucun droit sur elle. Et sur lesquelles ou pour lesquelles elle n'a aucun devoir ou responsabilité. Elle n'a pas à leur montrer quoi que ce soit de ses charmes et de ses atours. Elle garde ça pour elle, pour sa famille, hein, pour son mari seulement, et non pas pour les hommes étrangers dans la rue. Hein. Contrairement aux femmes mécréantes et aux kuffars qui, yani, elles, au contraire, elles sortent dans la rue et elles exhibent leurs atours et elles montrent leur corps à tous les malandrins hein, dans la rue, à tous les gens qui n'ont pas de honte et de gêne pour justement se faire remarquer, se faire voir. Hein, et c'est le shaitan qui la pousse à faire ça. Shaitan qui l'incite à faire ça. Hein? Et également, elle va garder sa voix, une voix qui est neutre, une voix qui est hein, neutre, et elle va pas adoucir sa voix pour essayer de hein, donner des envies ou des désirs aux hommes. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, ne vous n'adoucissez pas vos voix hein, quand vous parlez, mais dites une parole droite. Hein, parler normalement, une parole correcte, convenable, pour éviter que celui qui a une maladie au cœur ait des tentations ou des désirs. Et il mentionne donc ici la purification de la femme, la purification de l'honneur et la purification de la femme par le fait de rester chez elle et de ne pas sortir pour rien ou sans raison. Comme les femmes qui ont peu de pudeur, qui passent leur journée à l'extérieur de chez elles et qui se mélangent avec les hommes. Donc ici, le cheikh, il dit tout ça en disant qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient en rien et qui sont des athées et qui disent non, la femme, il faut qu'elle ait toute sa liberté hein, et que le voile, ça l'empêche d'avoir sa liberté. Et le fait de rester à la maison, ça lui enlève ses droits. Et que la femme, il faut les laisser faire qu'est-ce qu'elles veulent. Il faut pas les limiter ou leur enlever ces droits-là. Et ainsi de suite. Et le cheikh, il dit que ces gens-là, que Allah les maudisse hein, pour avoir dit ce genre de choses. En réalité, ces gens-là, ils ne veulent pas la pureté pour les femmes. Hein. Ils veulent uniquement la souillure pour la Ummah. Et pour les femmes de cette Ummah, que Allah les maudisse donc pour ça. Et yani, que Allah nous épargne de leur mal. Et que Allah subhanahu wa ta'ala épargne yani, les femmes musulmanes de leur mal. Et le cheikh, il dit, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont l'exemple à suivre pour les autres femmes musulmanes. Et donc, si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elles sont les plus pures de toutes les femmes sur terre, hein, eh bien, dans ce cas-là, ça, c'est ces orientations que Allah leur a faites et ces ordres que Allah leur a donnés, eh bien, dans ce cas-là, c'est clair que toutes les autres femmes ont yani encore plus l'obligation de respecter et de suivre ces règles-là que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il dit ensuite, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, وَالْمَعْنَى أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِمَا يُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فَمَنْ أَطَاعَ أَمْرَهُ كَانَ مُطَهَّرًا وَقَدْ أُذْهِبَ عَنْهُ الرِّجْسُ بِخِلَافِ مَنْ عَصَاهُ. Donc ici, le cheikh, il dit que la signification de ce verset, c'est lorsque Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il veut faire enlever des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toute souillure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut les purifier. Et donc, toute personne qui obéit à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à son commandement, eh bien, il sera purifié. Et on enlèvera toute souillure sera enlevée de lui. Tandis que la personne qui désobéit à Allah, eh bien, elle n'aura pas été purifiée parce qu'elle désobéit aux ordres et aux injonctions d'Allah vis-à-vis de ces questions-là. Et donc, par conséquent, elles ne sont pas purifiées parce qu'elles ne respectent pas les règles de la religion sur ces sujets-là. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Et au prochain cours, on expliquera la suite avec d'autres termes qui ont été employés. Et le terme qui est mentionné ensuite, c'est Al-Amru. Donc, Al-Amru, ça veut dire l'ordre ou le commandement. Et c'est l'ordre qui est kauni et l'ordre qui est shar'i. Et on va voir qu'il y a les deux qui sont mentionnés hein, dans les versets et dans les textes. Donc, Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.